triste sur feuille, car mes désirs s'effeuillent en même temps que mes rêves sans deuil. Heureusement cette plume me recueille, si triste, car ici bas tout va de mal en pire. Que des empires qui nous dirigent mal, ce mal nous attire. Si triste de voir Sarko augmenter son salaire, pendant que chez nous avec le SMIG ou même de taf tu galères. Si triste de voir tant d'argent gâché, coupe du monde, visite de Mars, pendant ce temps sous les décombres c'est des gosses qu'on ramasse. Si triste car des pays se disent développés, pillés, expatriés, voilà leur système depuis des années. Si triste de voir des mômes qui sautent sur des mines antipersonnelles, pendant que nos dirigeants se font griller au soleil. Si triste face à ces bavures judiciaires, si t'as pas un baveux aussi pervers qu'eux, tu peux lâcher l'affaire. Si triste face à ces schmitts énervés, un coup de tête, une vitrine menottée, j'avais pas t'en demander. Si triste face à certains rap qui pondent du fric des rap, Skyrush te le dit, j't'enfonce mon watt jusqu'à la rate. Si triste car seul sur ce beat, 3D crew ma clique, j'espère vraiment que c'est pas demain qu'on se quitte. Si triste face à tant de violence, t'en pas la joue sinon t'as aucune chance, marcher ou crever, c'est ce qu'on comprend depuis l'enfance. Si triste voir des milliers de français qui meurent du sida, tenus par des médocs qui ne les sauveront pas. Si triste de voir des millions d'Africains qui meurent du sida, soutenus par aucun médoc car ils n'arrivent pas. Si triste de voir cet homme qui bat sa femme, qui dit qu'il l'aime mais que c'est de sa faute parce qu'elle avait pas mis la table. Si triste de ne pouvoir leur couper les couilles à ses mâles, ma sœur s'il te plaît dénonce ces actes, ça n'a rien de banal. Si triste quand on perd un proche, la vie nous écorche et moche, mais nous ne sommes que des cartes, la mort ne trie pas, elle pioche. Si triste de voir tant de jeunes paumés dans le bédo, les roues, l'alcool, se défoncer la tête jusqu'à bouffer le sol. Si triste car la vie c'est comme le shit, avec le temps ça s'effrite, des fois je veux arrêter mais je réédite car en vrai je flippe. Si triste car je parais plutôt heureux, mais je vais te faire un aveu trop régulièrement, j'ai mal jusqu'aux cheveux. Si triste car le dire à quelqu'un droit dans les yeux, actuellement je crois pas que je peux, ou plutôt je crois pas que je le veux. Si triste car j'aime ma sœur et mes parents, mais trop souvent absent, ce mot dans ma bouche n'est pas assez présent. Si triste car de nos jours l'amour est obligé de se cacher, deux hommes, deux femmes, ça te fait gerber, moi rien à branler. Si triste car l'amour n'est plus présent, d'abord on baise, on discute après, seulement si on a le temps. Si triste car après ce texte tu croiras que je suis seulement pessimiste, mais d'un tes fins regarde dehors, je suis seulement réaliste. Si triste car je suis incapable de quoi que ce soit face à ça, j'espère mais franchement je vois pas comment que ça s'arrangera. Non, je vois pas comment que ça s'arrangera. Denem, art triste, fils.